Hey, tu parles beaucoup trop, ouais, hey. Comme les mecs de la chicha, hey. Je vais te faire gagner du temps, hey. J'habite Paris centre, hey. Ça regarde ma main gauche, hey. Le bruit d'un Osmania, ok. Fais Lamborghini, hey. L'argent brûle des crânes, hey. Je connais bien mon ennemi, hey. Il a déjà dormi chez moi, hey. Connais bien les enfants, hey. Et les plats de madame, ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Drogue dure dans la cuisine obscure. Anakin, planète Terre, c'est pas en vrai. J'comprends l'Anakin. J'tourne, j'tourne comme un vigile. J'tourne, j'tourne comme un vigile. Maman menottée, j'ai vu le keuf qui l'a fait. Pensation tranquille, comment faire autant qu'il. Tout en étant ivre, la bécane en pire. J'refais la légavo, valet, ravi, dami, davo. Les types aveux sur tes caveaux, main sur le capot. La liste pavo, franc prix, calage, fusil, par loire. Zéro visite, go fast, plus l'essence, morceau. Pas de sens, pur sang, dans l'écurie, Bams, Busty, Warner, Fury, dragon blanc, yeux bleus, me suis, Sticky Peur. J'ai commencé dans la street, y'avait Chi, Chi, Chi, j'me reconnais plus, j'regarde même plus les prix, prix, prix. Ils veulent tous faire partie, la Fuego, team, team, team, ça s'arrête plus, comme Israël, Palestine, team, team. Ok, ok. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Hey, tu parles beaucoup trop, ouais, hey. Comme les mecs de la chicha, hey. Je vais te faire gagner du temps, hey. J'habite Paris centre, hey. Ça regarde ma main gauche, hey. Le bruit d'un Osmania, ok. Fefe Lamborghini, hey. L'argent brûle des cannes, hey. Je connais bien mon ennemi, hey. Il a déjà dormi chez moi, hey. Connais bien les enfants, hey. Et les plats de madame, ok. Ok, ok. Ok, ok. Oh, oh. Dazer dans la piscine, il suit, demande à Siri, regarde pas ce que je fais, écoute ce que je dis, carrière mémorable, destin favorable, zéro à l'écrit, 19 à l'oral, jeune noir dans la Urnus, que de la ruse, penses-tu que je m'amuse, Wolfgang Amadeus, Riz, la vie à nous, Nava, Flava, Navi, Flama, Navon, call me, j'ai des plavons, j'déjeune avec Pelli, savon, j'viens loin. Ne gagne pas qui veut King Knight, mur de glace, dragon mort, flamme bleue, bis, bis, bis, bis, je sais ce qui se dise, dissipe, if, pax, dis, six, six, six, tu m'appelles, je décroche pas en dessous, six chiffres, y'a voilà, oui, qui sort les chiottes, y'a de l'or, vite, vite, t'es mauvais, je le ressens, énergie, psychique, je sais déjà ce que je veux vous faire, fais semblant de réfléchir, ok, ok, ok. Oh, oh. Rah!